Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Cousumain. Cette semaine, New York I Love Catastrophe, une série de Nicolas Champeau réalisée par Rafik Zenine. Alors pourquoi on vous raconte ça ? Parce que ça fait 20 ans qu'un attentat terroriste a fait s'effondrer les tours jumelles à Manhattan, en tuant 2753 personnes. Et aussi parce que la tempête Ida qui vient de frapper la ville est comme un écho de Sandy en 2012. Et puis parce que parfois, on a l'impression que New York est une ville phénix qui a su renaître plusieurs fois, y compris après la crise des subprimes. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, des employés de banque qui quittent leur bureau avec quelques affaires dans un carton, des chantiers à l'arrêt et un homme qui avait parié sur l'effondrement des banques avec un cynisme qui le laisse aujourd'hui songeur. Mais pour commencer, on écoute des archives à remonter le temps. Monopoly Game Over, la crise des subprimes, New York 2008, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zenine. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses plongent, Paris perd près de 4%. You know, right now, breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street. Pauline Chu's in for Jennifer. I can imagine how jittery the nerves must be on Wall Street for that American economy. Well, I can tell you already that the Dow is expected to open down 300 points this morning. J'étais à Johannesburg au moment de la chute de Lehman Brothers en septembre 2008, donc assez loin de Wall Street. Mais par ricochet, la crise a gagné l'Afrique du Sud et très rapidement, j'étais en reportage avec des mineurs mécontents et des ouvrières du textile menacées de licenciement. De retour à New York, 13 ans plus tard, il fallait bien sûr trouver des gens qui avaient vécu la crise de l'intérieur ou qui avaient des dollars dans la partie, si possible les deux. Et une bonne amie m'avait présenté à son demi-frère, Nicolas de Croisset, un investisseur en capital risque franco-américain. Il habite un bel appartement, un penthouse du West Village de Manhattan, acheté à l'actrice Julia Roberts, avec une sublime terrasse et des miroirs à l'entrée. Moi, j'ai commencé pour Morgan Stanley et Merrill Lynch. Donc, c'était plutôt de la vente. Ce que j'ai compris, c'était en 97. Donc, c'était juste au début de la bulle tech. Je me rappelle, il y avait une compagnie, enfin, il y avait TheGlobe.com ou Pets.com et toutes ces compagnies qui sortaient le premier jour, qui montaient de 300 ou 400%, des compagnies qui gagnaient pas d'argent, etc. Donc, dans cet environnement, j'étais supposé vendre des actions aux individus. Et pour moi, personnellement, j'étais pas du tout confortable dans ce marché. J'avais aucune confiance dans le marché. Donc, finalement, je voulais pas faire de la vente. Donc, je me suis dit, bon, je vais quitter ça. Je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Il y avait un domaine qui m'intéressait, c'était les hedge funds. Parce que eux, ils pouvaient faire des paris sur les actions dans les deux directions. Donc, ils pariaient que les actions vont monter ou qu'ils vont baisser. Et donc, dans la bulle de tech, si on pensait que toutes ces actions étaient soit trop chères ou des fraudes ou entre autres, si vous pariez qu'elles vont baisser, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Effectivement, ce qui s'est passé, que dans les années 2000, 2001, 2002... les hedge funds ont gagné beaucoup d'argent dans ce pari. Donc moi, c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup et j'ai investi dans les hedge funds. Nous, quelque part, on cherchait toujours des investissements qui pourraient prendre des paris un peu contrariants. Et donc, éventuellement, on a trouvé un fonds qui était géré par un homme qui s'appelle John Paulson, qui voulait prendre un pari que le marché immobilier allait baisser. Donc, les banques ont donné des prêts à tout le monde. Moi, j'avais une femme de ménage. La banque lui a donné un mortgage de 500 000 dollars, bien qu'elle n'avait pas de moyens de repayer sa dette. Et c'était évident. Donc, de donner de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas le repayer, éventuellement, c'est une catastrophe. Mais justement, vous avez, avec John Paulson, qui a, je crois, gagné 4 milliards de dollars en un an, c'est ça, mm-hmm. parié contre les subprimes. Vous, votre part dans ce schéma, c'était quoi, en fait? Ben nous, on a donné le capital pour participer dans ce pari. Donc, nous, on avait parié que, avec lui, dans son fonds, que le marché allait baisser. Donc, éventuellement, en 2007, on est rentré dans son fonds qui, très rapidement, a fait 3 ou 4 fois sa mise en quelques mois. Donc, c'était bon pour notre fonds. Mais en fait, ce qu'on n'a pas réalisé ou ce que j'ai réalisé plus tard, c'est que les pertes étaient tellement énormes, en fait, que tout le monde allait souffrir, en fait. Et donc, ça allait infecter, en fait, tout le monde. Et ça, on n'a pas vu. Enfin, je me rappelle très bien, on était en train de... John Paulson a fait un dîner pour ses investisseurs à la fin de 2008. Et le menu du dîner était publié, en fait, dans le New York Post. Je vais regarder si je peux retrouver ça. C'est toujours là. Alors, on a le menu. Voilà le menu de John Paulson. Un homme charmant. D'ailleurs, je vous le dis, il était charmant. Mais là, alors, c'était le 19 novembre 2008. Effectivement, First Growth Bordeaux, cocktail reception. Et il y avait le wine tasting, Lafite Rothschild et Opus One. C'était au Metropolitan Club. Ah oui. Aubryon, là il y a un Aubryon. Et donc novembre 2008, c'est pour deux mois. Pour 500 personnes. Pardon? Pour 500 personnes. Vous imaginez? Deux mois après la chute de Lehman Brothers, donc on est en pleine crise là. À ce moment ou à ce dîner, je me rappelle très bien, je suis sorti de ce dîner, je venais d'acheter une petite bicoque et à Long Island, et je me suis dit tout de suite, ça c'était une mauvaise idée, parce que vraiment, ça va se passer mal. Je ne sais pas pourquoi c'était ce moment, ce dîner-là, parce que j'ai compris finalement... Quand j'ai vu tous ces gens, où j'ai vu les montants qu'il a gagnés, que ça allait très mal se passer. Ouais, c'était bizarre. Et ça s'est mal passé. C'était pas juste le subprime, mais c'était tous les immobiliers aux États-Unis a souffert énormément. Du coup, dans un premier temps, les montants de votre mise vous ont énormément rapporté. Oui, mais... Notre investissement avec lui, c'était une position, mais on avait d'autres positions, d'autres hedge funds, qui ont aussi perdu de l'argent. J'aimerais juste revenir sur ce fameux dîner. Il y avait une espèce d'euphorie, d'aveuglement. Qu'est-ce qui vous a précisément fait dire qu'en fait, là, ça, on ne se rend pas compte qu'on est tous en train d'investir trop contre le marché? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était tout simplement que si nous, on gagnait, quelqu'un d'autre perd. Ça, c'est vrai. Mais qui perdait? Parce que moi, j'avais du mal à comprendre. Si nous, on prend une position contre le marché, qui est en train de prendre l'autre position? Et ce qu'on m'avait dit dans le temps, c'est que là-bas, on s'en fout parce que c'est Goldman Sachs. Donc, on se dit, L'autre contrepartie, on s'en fout parce que c'est Goldman Sachs. Donc, mais éventuellement, on a compris que c'était d'autres compagnies comme AIG ou des fonds de pension en Europe, peut-être même, qui prenaient ces pertes. Et ça, ça avait des énormes conséquences. Parlant de Goldman Sachs, en fait, ce que vous voulez dire, c'est l'aspect « too big to fail », trop gros pour, oui, pour chuter. Oui. Le seul problème, c'est que Goldman Sachs et les autres banques, en fait, elles ont presque fait faillite. Heureusement que le gouvernement est venu. Et je pense que tout ça, en fait, ça a créé beaucoup de colère avec le fait que Obama a sauvé les banques, mais n'a pas sauvé le peuple. Ben ça, pour moi, ça nous a conduit directement à Trump, finalement. Ça a créé de la colère parce que, contre des gens comme vous, est-ce que vous considérez que vous faites partie des 1% décriés aux États-Unis ? Non. Ben moi, j'étais dans la finance, j'étais à New York et j'étais en train de... J'ai un métier. Mon métier, c'était d'investir dans les hedge funds et de trouver de façon de protéger le capital de nos investisseurs. Donc nous, on pensait que le marché était haut, qu'il y avait trop de spéculation. C'était notre métier, c'était d'essayer de mitiger les risques de nos clients et d'essayer de... Et c'est simple. Enfin, c'était pas simple, mais c'était notre métier ou c'est ce qu'on essayait de faire. Il n'y avait pas de jugement moral. On n'essayait pas de créer des pertes. Finalement, c'est des produits financiers. Bon, j'arrête là. Est-ce que cette crise-là de 2008 se ressent encore à New York en 2021? Non, je pense que la réputation des banques aux États-Unis ne s'est pas complètement remise. Je pense que les gens n'ont pas confiance dans les banques. Je pense que les jeunes gens, aujourd'hui, ils veulent faire leurs propres investissements. Ils n'ont pas confiance. Et on se demande pourquoi des apps comme Robinhood, etc., sont énormément populaires. C'est parce que les jeunes, aujourd'hui, ils n'ont pas confiance en les plus vieux, les banques. Pour moi, donc... Ça, c'est la chose la plus importante qui est sortie. Ça, et bien sûr, cryptocurrency et Bitcoin, quelque part, qui est sorti vraiment de cette crise, c'est de dire que est-ce qu'on a vraiment confiance dans les banques, dans le dollar, dans le système financier? Est-ce qu'on peut créer une monnaie ou quelque chose qui ne dépend pas de la banque centrale américaine ou de la centralisation de la finance? Parce que quelque part, la finance, c'est un... it's a confidence game. You know, you need confidence, and when there's no confidence in the system... Il faut de la confiance. Il faut de la confiance, c'est ça. Généralement, les gens étaient... on peut voir ça avec Occupy Wall Street. Ils n'étaient pas contents. Et ils ont raison. Lors des cracks boursiers ou des soubresauts, on garde souvent les mêmes images un peu redondantes de panique dans la salle des marchés. D'hommes au visage poupin qui se passent la main dans les cheveux, le front en nage, hurlant au téléphone avec des colonnes de chiffres sur l'écran d'ordinateur en arrière-plan. Paul Moakley est l'un des responsables du service photo de Time Magazine. The financial crisis... You know, in New York was, it was really strange because it was like... La crise financière à New York était vraiment étrange. I remember when the stock market crashed that day and like, you know, all these... Je me souviens du crack et de tous les photographes qui se bousculaient devant la bourse à Wall Street à la recherche de la photo. En tant que responsable photo, tu attendais au bureau et tu les appelais pour demander « Comment ça va là-bas ? Est-ce que vous voyez des gens très inquiets? Est-ce qu'ils pleurent? Est-ce qu'il y en a qui se jettent des fenêtres? Que se passe-t-il sur place? C'est une histoire difficile à raconter visuellement. Mais je me souviens bien de l'ambiance à New York. C'était pesant. J'étais encore jeune à l'époque et je ne mesurais pas encore l'impact de la crise. Je crois qu'au début, les photos qui sont sorties du lot pour moi, c'était des photos comme celle-ci, de Chris Andros, de ces énormes groupes d'investissement, comme Lehman Brothers, qui mettaient la clé sous la porte. Leurs employés quittaient l'immeuble avec leurs effets personnels, avec tous les médias autour d'eux, et cette photo résume bien tout ça, et ce moment. On voit un employé de Lehman Brothers qui porte un carton de rangement, un carton tout neuf qu'on a donné à tous les employés. Et son carton doit contenir son agrafeuse et des photos de famille. Tu vois cet employé qui a une photo de famille encadrée qui dépasse, et sur cette photo, on ne voit même pas son visage. On voit juste sa boîte, avec la ruche de journalistes autour de lui. Et juste derrière, il y a le gars typique de Wall Street, un blanc, chemise Oxford et pantalon de costume. Ça correspond vraiment à l'ambiance du quartier des affaires à l'époque. Et puis les gens étaient à la recherche d'un coupable. Qui était responsable de tout ça? Et Lehman Brothers était vraiment l'une des entreprises au cœur de la crise. Les banques ont été renflouées et quasiment personne n'est allé en prison. C'est vrai que la question du coupable, du responsable, revient souvent dans les conversations, y compris avec les investisseurs plus traditionnels de la génération d'avant. My name is Edward Miller. Mon nom est Edward Miller. J'ai travaillé pendant 35 ans pour une entreprise qui s'appelle Smith Barney et qui a grandi par le biais d'acquisitions et de fusions pour devenir Citigroup. J'étais co-PDG de Schroeder Salomon Smith Barney, qui faisait partie de Citigroup. C'était une banque européenne d'investissement pour Citigroup. On s'occupait des actions, des obligations. Moi, j'étais plutôt côté entreprise au début. On levait les fonds pour les grands groupes et on les aidait à entrer en bourse et à grandir. Chaque crise a une origine différente. Je ne suis pas historien, mais en général, c'est lié à des déséquilibres. Quand j'ai rejoint Smith Barney, c'était une entreprise non cotée. Nous avions des parts, seuls les employés détenaient des parts. Donc si nous faisions une erreur, c'était notre argent. Et à l'époque, ils vous tendaient un chèque de bonus une fois par an. Ils disaient « Bravo, vous avez bien bossé, voilà votre bonus ». Et tu voulais prendre ton chèque, mais ils refusaient de le lâcher. Ils te disaient « En fait, on vous propose d'acheter des parts ». Mais le chèque du bonus correspondait à la moitié du coût des parts qu'ils voulaient que tu achètes. Mais ils te disaient « Pas de problème, allez voir la banque en bas, ils vont vous prêter l'autre moitié ». Donc, nous étions tous endettés. Et si la compagnie volait en éclats, non seulement tu perdais tout ce que tu avais, mais en plus tu avais des dettes. Et tu faisais banqueroute. Donc, est-ce que tu faisais un peu plus attention en termes de risque et d'exposition? Oui. Tu étais beaucoup plus prudent et je pense que cela explique en partie les énormes pertes occasionnées par les cracks. Et par celui de 2008 en particulier. 2008, c'est le résultat de risques qui n'étaient pas nécessaires. Car en 2008, les investisseurs recevaient directement leur bonus. Oui, et ils n'étaient pas obligés d'acheter, on leur propose d'acheter seulement. En plus, pour eux, ce ne sont plus des parts, mais des actions. Et ils peuvent les vendre. Les gens froncent un peu les sourcils, mais vous pouvez les vendre pour avoir du cash. Ces boîtes étaient en bourse, mais ce n'était pas là où était tout votre argent. Donc, que s'est-il passé en 2008? Je ne travaillais plus, mais j'investissais encore et j'investissais beaucoup dans Citigroup, de l'argent que j'ai perdu d'ailleurs parce que je n'avais pas vendu à ma retraite. J'aurais dû me douter de quelque chose quand notre femme de ménage a acheté une maison dans le New Jersey. Elle s'est endettée à 99%. Son apport était de 1%. J'aurais dû comprendre tout de suite que quelque chose clochait. Leur théorie, c'était que les emprunts immobiliers étaient sûrs, parce que personne ne voulait prendre le risque de perdre sa maison. Et s'ils diversifiaient les emprunts de plein de façons différentes, géographiquement, etc., c'était un investissement parfait. Et d'ailleurs, les agences de notation leur attribuaient la note triple A. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils constituaient ces fonds d'emprunt, ils ne vérifiaient plus rien, ils prenaient tout, parce qu'ils voulaient en produire toujours plus et plus vite. Pendant ce temps, les agences de notation continuaient de leur donner la meilleure note. Alors je suis sûr que des gens vont dire que ça ne s'est pas passé comme je le décris, mais moi je crois que j'ai pas mal raison. Ils n'ont pas procédé aux vérifications nécessaires sur les crédits sous-jacents, et tout d'un coup, il y a eu des défauts de paiement, et le château de cartes s'est écroulé assez rapidement. Il y a même des banques, que je ne nommerai pas, qui achetaient contre ce marché pour leurs investissements à elles, alors qu'elles vendaient ces produits à leurs clients. Je ne sais pas comment ils se regardent dans le miroir, ces gens-là. Des amis à moi qui ne sont pas de ce secteur me disaient « Mais pourquoi ne vont-ils pas en prison ?» Le problème, c'est justement comment décider qui doit aller et qui ne doit pas aller en prison. Qui est aux manettes et qui est responsable de tout ça? Moi, j'avoue que j'ai eu un peu peur que ça se déroulait sous mon nez à l'époque où j'étais encore aux commandes. J'ai même appelé le responsable des finances. Je lui ai demandé « Est-ce que ce genre de truc était pratiqué quand j'étais dans la boîte ?» Et le type m'a répondu « Eh bien, en quelle année êtes-vous parti ?» J'ai répondu « En 2003 ». Il m'a dit « Non, ça a commencé en 2005 ». J'ai dit « Ouf !» Mais ça m'a gêné parce que j'aimais mon travail, j'aimais la profession, c'était un métier et le client était roi, à Smith Barney en tout cas. On ne cherchait pas à spéculer sur des produits pourris vendus à des clients. Moi, pendant longtemps, j'étais responsable du Japon. Car de 1980 à 1999, j'étais responsable des affaires internationales de Smith Barney. Et ma règle, c'était qu'on n'investissait pas, on ne pariait pas notre argent sur des choses que je n'étais pas en mesure de comprendre. Et je me suis rendu compte que c'était difficile à comprendre. Je ne suis pas un expert de ces machins, mais je disais, si tu n'es pas capable de me l'expliquer à moi, alors on laisse tomber. Et on me disait, Nemours le fait, et je répondais, eh bien, pas nous. Peut-être sont-ils plus malins que moi, mais moi, je n'y vais pas. Donc vous n'êtes pas en mesure d'identifier précisément la période qui correspond à la transition entre votre approche et celle des prêts et autres instruments financiers pourris? Eh bien, ce n'est pas une excuse, mais les agences de notation attribuaient la note triple A à ces produits, et je trouve ça ahurissant. Mais établir une relation de confiance prend du temps. Et Wall Street a perdu la confiance de pas mal d'investisseurs à ce moment-là. And it became c'est devenu de plus en plus difficile à gérer aussi. Moi, je sais qu'en tant que membre du directoire, il fallait que je sois assez sûr de moi pour pouvoir dire, si je ne le comprends pas, on ne le fait pas. Quand ils ont vu les sommes d'argent que d'autres comme Nemours ou Nico amassaient, tu avais un peu de pression. Et une fois que tu es coté en bourse, tu as encore plus de pression, car les actionnaires veulent leurs dividendes trimestriels. Donc il y a une pression, je ne la nie pas. Mais le management, c'est justement d'évaluer ces situations. Alors est-ce que mon boss, qui était à la tête de tout, m'a mis la pression pour que je prenne des risques sur ce type de pari? Non. Il avait confiance en mon jugement. En tant que manager, tu dois aussi expliquer très clairement aux gens qui travaillent pour toi comment tu fonctionnes. Et s'ils ne sont pas d'accord, alors ils peuvent aller voir ailleurs. Donc oui, il y a de la pression, mais elle est gérable. Dire qu'on a été contraint d'agir sous la contrainte de la pression, non, c'est se dérober. Tu dois avoir une éthique. Ça fait partie de la culture d'entreprise. Est-ce que vous vous souvenez des conversations que vous avez eues avec vos collègues qui travaillaient encore pour l'entreprise en 2008, pendant la crise? Quand j'ai pris ma retraite, j'ai repris des études d'architecture que j'avais à cœur de reprendre depuis longtemps. J'ai quitté Wall Street. Je n'ai plus fricoté. Ils m'ont donné un bureau au siège et une secrétaire. Mais j'y ai renoncé et je m'en suis jamais servi. En partie parce que quand j'ai rejoint Smith Barney, il y avait ce qu'on appelait le couloir de la mort. Pour aller au bureau du PDG, tu devais traverser le couloir de la direction où il y avait plein de bureaux d'anciens patrons retraités qui espéraient trouver quelqu'un avec qui déjeuner. Et donc, il fallait prendre les jambes à son cou pour éviter d'avoir à déjeuner avec eux. Et je ne voulais pas devenir un de ces vieux. Moi, je voulais faire mon truc. Donc, je ne me suis jamais servi de mon bureau. Sorry, I don't know how to turn that off. Edward Miller est sûr de ses mouvements, presque méthodique dans ses déplacements. Il est grand, il a un physique à la Sean Connery, assez impressionnant. Il a aussi conservé une belle collection d'art, malgré la décote de ses actions après 2008. Comme le calder qui trône au milieu de la table de la cuisine, le du buffet dans le couloir, ou les Philip Guston qui tapissent les murs de son duplex de Gramercy Park. Bref, tout va bien, et il l'assume complètement d'ailleurs. Par curiosité, l'architecture, c'est un rêve d'enfant, mais était-ce aussi une envie de tout plaquer et de renoncer à la finance, car vous étiez dégoûté? C'était un bon travail, tant que tout reposait sur le produit. Mais en tant que PDG, tu passes ton temps à éteindre des feux, il y a des procès tout le temps, tu vois tout le temps des avocats. Je n'aimais pas le job. Quand on gérait la banque d'investissement, ça oui, j'adorais, tu t'occupes du client et tu construis quelque chose. Mais je n'aimais pas gérer tout le bazar. Et Buckingham Palace, au bout de 5 fois, ça suffit. Donc voilà, maintenant on passe la majeure partie de l'année à Martha's Vineyard. Et en hiver, on descend dans le sud, ici, à New York. Sauf cette année avec le Covid. Mais on va au théâtre, on va à l'opéra, au musée, à des galeries d'art. On aime l'énergie et la culture de New York. Donc, on reste occupé. Et tu sais, ce n'est pas une mauvaise vie, je dois bien l'avouer. Je ne me plains en aucune manière, ça non. On a eu de la chance. Une chance de fou. Thank you. les gratte-ciels continuent de pousser à New York. Filiforme à la bordure sud de Central Park, sombre et sans cachet à Long Island City, sculpté, découpé à Hudson Yards à l'est, et aussi à Brooklyn. Le ralentissement post-2008 a été de courte durée. L'entrepreneur Offer Cohen est président fondateur de la firme immobilière Terra CRG à Brooklyn. We started in 2008, right before the Great Recession. So we actually. On a commencé en 2008, juste avant la récession. Didn't know. We knew that the market. Donc, on avait vu le marché ralentir un peu, mais on ne savait pas que ça allait être la plus grave récession depuis la Grande Dépression. Et donc, naïvement, nous avons décidé de fonder une entreprise immobilière juste avant la récession. On a traversé l'expérience d'un marché très, très, très stressé pendant 2 ou 3 ans. Mais en fait, c'était une opportunité de rester en vie et de naviguer pour s'en sortir. Car après la tempête, il y a eu un boom. Et donc, on était déjà en place quand il y a eu ce boom. Je dirais que tous les gens qui ont une affaire à New York et qui ont survécu partagent sûrement mon point de vue et se disent « Ok, on vient de traverser une autre de ces crises, maintenant on va récolter les fruits de ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, c'est bon. Après la chute, ça remonte toujours. » Et avant de développer ces succès, est-ce que vous pouvez nous décrire davantage la tourmente du marché immobilier durant ces années? Les gens ne payaient pas le loyer ou ne pouvaient plus rembourser leurs emprunts, c'est ça? Nous, on a commencé notre affaire en janvier 2008. Et 9 mois plus tard, Lehman Brothers s'est crashé. Donc c'était dur. Là, alors que je regarde le chantier de l'autre côté de la rue, pour moi le plus dur, c'est que les banques ont dû interrompre l'octroi de crédit au beau milieu de la construction des projets. Which puts the project, the developer and the bank in a lot of distress. Ce qui met en détresse le promoteur et ça a pris du temps pour trouver des solutions. In the middle of 2009, au milieu de 2009, la mairie de New York a publié une liste de constructions interrompues. Et on a étudié la liste. On a appelé tous les acteurs, la banque, le promoteur, le propriétaire de chaque projet pour les aider à trouver des solutions et avancer. Et au bout d'un moment, c'était devenu plus facile. Les banques se sont mises à revendre leurs dettes et sont revenues dans le jeu. De l'argent frais est rentré et c'était le début du boom. Mais avant, pendant très longtemps, tout était gelé. Et l'on parle de gros projets. Les promoteurs, pour construire, ont besoin de prêts. C'est rare de faire sans. Et si la banque gèle le financement, tu dois interrompre la construction. Mais le problème, c'est que ça nuit vraiment au projet. It's very costly. There's a bunch of problems. Number one, there's potential damage. Parce que premièrement, il y a un risque de dégâts pour la structure du bâtiment, les infiltrations d'eau et tout le reste. Damage from water, so that's number one. Number two, when you stop. Deuxièmement, quand un projet est suspendu, ça prend du temps et ça coûte de l'argent pour le relancer. And so it creates. Plus la suspension est longue, plus tu as des couches de stress. You owe money. Tu dois de l'argent. Had people on the job, the bank stopped funding. La banque ne prête plus. The subcontractors, tu ne peux plus payer les sous-traitants, les plombiers, les électriciens. Eux-mêmes hypothèquent leur maison. Donc ça touche tout le monde, par ricochet, partout. À une période, tu pouvais conduire à travers Brooklyn et voir plein de chantiers suspendus. And keep in mind, this was kind of a sort of. In the middle of the. Et en plus, ça s'est passé au milieu d'un boom de l'immobilier qui a commencé en 2004-2005. Beaucoup d'argent était rentré pour financer des projets de toute taille. Big and small, and the majority of the projects, you know, are, you know, 25, 50 units. Mais la plupart, c'était 1500 logements, 2500 logements. Yeah, I mean, you would just see. Donc oui, ces gros projets étaient abandonnés. Alors tu voyais soit le squelette d'un immeuble ou un terrain vague ou un bâtiment presque achevé. Ils ont mis les fenêtres, mais pas tout. Et le projet est bloqué. Parfois, il y avait des surveillants privés devant, parfois pas. Et est-ce que cela a modifié les projets ultérieurs? Parce que les banques se sont dit, cette fois, nous allons examiner la viabilité de plus près, et notamment les sources de revenus des futurs propriétaires. Oui, plein de choses ont changé. D'abord, ces projets ont trouvé d'autres capitaux. De nouveaux promoteurs, de nouveaux investisseurs sont venus à la rescousse de projets. Mais il n'était plus prévu pour la vente, mais pour du locatif. Et les nouvelles banques ont réécrit les accords avec moins de spéculation. Le promoteur devait injecter plus d'argent, les normes de souscription étaient plus rigides, mais le grand changement était que ces bâtiments allaient être occupés par des locataires. Rental boom in places like Brooklyn, where ça a créé un boom de la location à Brooklyn. Les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir l'expérience d'habiter ces beaux bâtiments en étant locataires, et ça a créé beaucoup de demandes. Et les loyers ont beaucoup augmenté durant cette période, pendant 7 ou 8 ans. La sociologue Saskia Sassen, dans son ouvrage « Expulsion », relève la sophistication des gens de Wall Street, bien habillés, au raffinement affiché. Elle relève aussi la complexité de leurs produits financiers. Et elle oppose le tout à la brutalité imposée à ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Et c'est à ce groupe que s'intéresse Thomas Sugrue, professeur d'histoire et spécialiste de la crise urbaine à la New York University. La crise de 2008 à New York n'a pas été ressentie de la même manière par les différentes catégories de population. Pour les riches, ceux de la finance, des assurances et de l'immobilier, 2008 a été un choc. Mais ils s'en sont remis rapidement. Le secteur de l'immobilier a rebondi très vite pour les acheteurs et les investisseurs. En revanche, New York est devenu moins équitable pour la classe ouvrière et les populations noires et latinos. Le prix du logement a continué à grimper, il y avait beaucoup de rotation, beaucoup d'insécurité dans le marché, et New York, d'un point de vue socio-économique, est devenu moins équitable. C'était une tendance qui avait commencé il y a 50-60 ans, mais qui a été exacerbée par la crise de 2008. Vous avez beaucoup travaillé sur la crise dans la ville de Détroit. Quelle comparaison faites-vous pour ce qui est de l'impact de la crise sur les Noirs et les Latinos? Les classes populaires noires et latinos à New York sont en très grande majorité locataires. Elles vivent dans des immeubles locatifs, dans des quartiers pauvres. Le Bronx, le centre de Brooklyn et le Queens, des quartiers qui n'ont pas du tout bénéficié de la bonne santé économique de New York. Ce sont des quartiers qui ont vu très peu d'amélioration ces dernières années. Mais les loyers ont tellement augmenté que pouvoir se loger n'est plus du tout garanti. À Détroit, en revanche, ce sont surtout des maisons individuelles, très peu d'immeubles de hauteur, peu d'appartements. Et là, on a vu une vague de désinvestissement et d'abandon. Durant la décennie de la crise financière, Détroit a perdu 25% de sa population. Des centaines de milliers de maisons ont été saisies et ont été laissées vides. C'est un scénario urbain très différent. La population de New York, elle, a augmenté doucement. Celle de Détroit a chuté de façon continue. Donc les gens à New York ont moins souffert des saisies de maisons, ils ont souffert de la crise économique générée par la crise financière. Oui, la crise financière à New York a aggravé les inégalités, et la grande inégalité à New York, c'est que les classes ouvrières consacrent un pourcentage énorme de leurs revenus aux loyers. Une grande proportion de non-blancs consacre près de la moitié de leurs revenus avant impôt au logement. Ce qui veut dire qu'il ne leur reste pas beaucoup d'argent pour les dépenses de la vie quotidienne. Le logement est très cher, même dans des quartiers de travailleurs. Donc c'est la double peine. Les investissements ont augmenté le coût des loyers des gens qui souffraient déjà de la crise économique. Had less money as a direct result of the crisis, correct? That's correct. Oui. Les travailleurs de New York évoluent dans une économie qui n'a rien à voir avec l'économie des travailleurs d'il y a 50 ans. Alors que New York était au cœur de la production et avait une activité portuaire dynamique et syndiquée, aujourd'hui les travailleurs sont dans des petits boulots, les restaurants, la maintenance, les services, et ces métiers ne paient pas bien. Et si l'on combine ces petits métiers mal payés et des loyers exorbitants, vous avez pour résultat un désastre économique. Cela dit, il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, des services publics et sociaux de qualité à New York. Il n'en reste rien en héritage. Le grand historien des travailleurs, Joshua Freeman, disait que le New York post-Deuxième Guerre mondiale était la ville des travailleurs par excellence. C'était une ville dotée d'un énorme dispositif d'action sociale, avec des hôpitaux municipaux très bien financés, une éducation publique gratuite, y compris au niveau de l'université, des parcs, des bibliothèques, qui fournissaient de réelles opportunités à la classe des travailleurs. Mais vers le début des années 70, avec les politiques d'austérité et l'effondrement du secteur de l'industrie, la ville a désinvesti. Ses hôpitaux sont pour la plupart en lambeaux. Les bibliothèques sont sous-financées et le secteur des écoles publiques souffre aussi de l'inégalité. Et tout cela est la conséquence du déclin de New York en tant qu'enclave social-démocrate. Mais à New York, l'électorat est plus à gauche, et donc il n'exerce aucune pression pour conserver cette tradition. L'électorat de New York est plus à gauche que le reste du pays, mais la politique municipale est toujours dominée par l'immobilier et la finance. Et la plupart des actions de la ville pour le développement, ces 50 dernières années, se sont tournées vers le logement de luxe, les affaires et la construction d'infrastructures susceptibles d'attirer les touristes. New York est devenu un coffre-fort sûr pour les investisseurs internationaux aisés qui veulent diversifier leur portefeuille en investissant dans l'immobilier. Les inégalités et souffrances héritées de la crise ont donné vie en 2011 au mouvement Occupy Wall Street et au slogan « Nous sommes les 99% ». Comprendre, nous, le peuple, faisons les frais des agissements spéculatifs des 1% les plus fortunés du monde de la finance. L'épicentre du mouvement était à deux pas de Wall Street, à Zuccotti Park, une place rectangulaire surveillée de près par la police et aussi par les amis photographes de Paul Mowgli. La crise bat toujours son plein à ce moment-là. Les gens étaient chassés de leurs maisons. Des pans entiers de la Floride et d'autres États se sont vidés. Et des photographes comme Lauren Greenfield ont documenté ces coins de Californie où toutes les maisons étaient vides. C'était des villes fantômes après l'éclatement de la bulle immobilière. Et je pense aussi que ça a conduit à Occupy Wall Street. Parce que c'est lié à ces entreprises irresponsables qui ont fait d'énormes erreurs en jouant avec la vie des gens. Et donc, ça a conduit à ce mouvement citoyen qui a commencé à se poser des questions sur la source du problème et sur ce qu'étaient devenus ces grands groupes d'entreprises. J'adore cette photo de Matthew Pillsbury à Zuccotti Park, qui était l'épicentre d'Occupy Wall Street. Tous ces gens campaient au cœur du quartier des finances et ils refusaient de bouger. Il y avait beaucoup de tension dans la ville. Tu étais soit avec eux, soit contre eux. Et c'était un mouvement de protestation très intéressant de la part de jeunes qui peut-être n'envisageaient pas l'avenir très sereinement. Leurs parents disaient tout le temps que ça allait être encore mieux pour la nouvelle génération. Mais cette génération refusait d'accepter cette version du rêve américain. Et elle était contrariée, car elle avait aussi accumulé des dettes après les emprunts étudiants. Mais c'était intergénérationnel aussi. Il y avait tous les âges représentés. Il y avait beaucoup de diversité. Et Matthew Pillsbury, avec cette photo longue exposition, montre le flou chaotique des gens qui campent dans le parc. Tout le monde est avec son sac de couchage et ses couvertures. On dirait presque un camp de sans-abri. Et ce sont des gens qui veulent aller jusqu'au bout, qui sont frustrés, qui sont prêts à rester dans le froid pour se battre. Et je crois que c'est un message puissant. C'était une situation difficile à résumer. Et avec l'accumulation et le mouvement des gens permises par la technique de la longue exposition, c'est une façon intéressante et subtile d'immortaliser le moment. Alison Schlegel garde un souvenir un peu confus d'Occupy Wall Street. Elle a suivi le mouvement car elle souhaitait s'en inspirer pour une performance artistique. I had been actually in Bryant Park, which is farther up in Manhattan, around 45th. J'étais allée à Bryant Park, qui est un peu plus haut à Manhattan, près de la 45e. Et là, il y avait eu des manifestants d'Occupy un jour. Ils faisaient ce truc où les gens répétaient mot pour mot ce qui était dit. C'était une façon différente de protester. Et je l'ai relevé. Donc, j'ai décidé d'aller à Zuccotti Park pour observer davantage ce phénomène, pour ma performance. Il ne m'a pas semblé que c'était des gens très organisés. C'était une personne dans un petit groupe qui commençait et qui était ensuite rejointe par d'autres gens. Et je me suis dit, c'est fou la vitesse avec laquelle les gens s'impliquent. Ils ne savent peut-être même pas la situation politique qui est décrite ici. Donc ils n'étaient pas venus à l'invitation d'une organisation. Oui, il semble que ça pouvait être des gens comme moi qui s'étaient juste pointés au parc. Ça aurait pu être des touristes. Peut-être pas, cela dit. I honestly don't feel like I really had that experience of it. I probably kind of Moi, je n'ai sans doute pas eu la vraie expérience de Zuccotti Park. Je n'y étais pas quand le mouvement était à son apogée. Je crois même que c'est plutôt l'inverse. Donc, mon expérience là-bas, c'était surtout d'avoir vu toutes les poubelles et les détritus, et peu de monde en fait. Je crois que ça a inspiré ma performance. Je me demandais, que faites-vous au final avec les messages que vous soumettez aux autres? Est-ce que ces messages vont aller quelque part, ou est-ce que vous vivez une expérience sur le moment et vous laissez vos poubelles derrière vous avant de passer à autre chose? Aujourd'hui, les ouvriers du bâtiment mangent leur sandwich à la pause sur les bancs de Zuccotti Park, tandis que les hommes d'affaires en costume traversent la place au pas de charge tout en donnant des instructions au téléphone. Mais cette impression de retour au statu quo ante est trompeuse, selon l'historien Thomas Sugrue. Peu d'observateurs durant Occupy pensaient que le mouvement allait avoir des conséquences à long terme sur la politique au niveau national. Mais il y a eu un impact. On peut le voir au niveau de l'attention qui est désormais portée sur les inégalités socio-économiques qui ne cessent de croître aux États-Unis. Les médias généralistes et les politiques nationales ont toujours évité les notions de classe et d'inégalités socio-économiques. Après Occupy Wall Street, l'attention des médias s'est portée sur ces notions d'inégalité comme ils ne l'avaient jamais fait. Et cela a commencé à changer les termes du débat au niveau national. Le slogan « les 99% contre les 1% » a très rapidement gagné du terrain et a même été intégré au discours national. Il a touché une corde sensible. Il a souligné que les 50 dernières années avaient vu le fossé se creuser entre les plus riches et les plus pauvres. Au cours des 10 dernières années, on a vu de nombreuses insurrections urbaines chez les jeunes. Ça a commencé avec Occupy et ça a continué avec Black Lives Matter pour atteindre un pic avec les manifestations de l'été 2020. Et tous ces mouvements ont demandé un coup de barre à gauche et réclamé plus d'efforts envers les villes pour revigorer les investissements dans les infrastructures et les politiques sociales. Le gouvernement de Joe Biden semble avoir été influencé par ces demandes. Biden est un politicien qui a toujours fait très attention à la direction du vent. Et les vents démocratiques soufflent de la gauche maintenant, d'une façon qui a conduit le gouvernement à prendre une direction qui était inconcevable sous Bill Clinton et Barack Obama. Tous les deux étaient fermement accrochés au centre, et pour eux, le futur du Parti démocrate reposait sur la séduction des classes moyennes blanches des banlieues résidentielles. Le gouvernement Biden écoute attentivement cette insurrection jeune et multiculturelle au sein du Parti démocrate. Des dizaines de millions d'Américains ne se sont jamais remis de la crise économique de 2008. Leur situation financière est devenue plus précaire. Leurs salaires n'ont pas augmenté. Le chômage et l'insécurité se sont enracinés. Le message d'Occupy et des autres, qui mettaient l'accent sur l'accroissement des inégalités, alors que la majorité des investissements étaient destinés aux plus riches, eh bien, ce message a résonné dans les têtes de ces populations. Et le refrain est resté, parce qu'ils ne voyaient pas les bénéfices de l'accroissement de la richesse des quelques pourcents qui sont au sommet de la population américaine. Cela ne ruisselait pas jusqu'à eux. Leur vie devenait plus dure. Leur situation économique se détériorait, alors que les États-Unis déployaient des marques de richesse extraordinaires, et en particulier dans une ville comme New York, où l'on voit s'étaler cette richesse et ces inégalités quotidiennes de façon on ne peut plus criante. Je n'ai jamais rencontré de financier de ma vie. Je ne suis jamais allé à un dîner où il y avait un investisseur en capital risque ou en fonds spéculatifs. Jamais. Homme ou femme. Vivian Gornick, autrice féministe, née à New York en 1935. Tous les gens que je connais vivent le même genre de vie que moi. Ils sont où je vis, ce sont des écrivains, féministes, gays, dans les politiques de libération, des gens qui ont grandi dans le Bronx, qui sont issus de la classe ouvrière de New York et qui ont migré vers la classe moyenne. Si je n'étais pas aussi étroite d'esprit, j'irais à la recherche des gens issus d'autres secteurs. Les gens de la finance sont donc un mystère pour vous ? Complètement. Complètement. Et on ne les voit pas dans la foule. On ne les voit pas marcher dans les rues de New York ou dans le métro. Je ne vois presque jamais quelqu'un en costume dans le métro. Vous avez entendu parler d'un nouvel ensemble d'immeubles à Hudson Yards? C'est complètement à l'autre bout, à l'ouest, près de la rivière. C'est à des millions de kilomètres d'une station de métro. Mais ils n'ont pas besoin de métro. Ils prennent le taxi. Il y a des stations de taxi partout à Hudson Yards. Tous les gauchos de New York sont amers vis-à-vis de ce projet. Et d'ailleurs, ça se casse la figure. C'est à moitié vide. Et il y a tous ces magasins pour riches. Au centre commercial, il n'y a que des marques de luxe. Tout coûte $1 million. Et je ne connais pas une seule personne qui habite là. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'aimez pas les gens de la finance en tant que groupe ou en tant qu'individu ? En tant que groupe, je les déteste. Depuis 2008, j'ai tellement de rancune contre eux. Chaque fois que tu entends les bonus qu'ils s'octroient, ça va chercher dans les millions. Ils donnent les chiffres des bonus dans le New York Times. Et c'est présenté de façon blasée, comme si ça ne voulait plus rien dire. Celui-là pèse tant de milliards de dollars, celui-ci pèse 1 milliard d'euros. C'est ahurissant. It just boggles. Monopoly Game Over, la crise des subprimes, New York 2008, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine. Mixage, Valérie Lavalard. Documentation, Anne-Lise Signoret. Doublage, Olivier Martineau, Thierry Beauchamp, Christine Monclat, Raphaël Kraft, Régis Royer et Anne de Peufeyou. Coordination, la série documentaire, Perrine Kervran et Marivonne à Bolivier. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant d'ouvrir un compte, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Apolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, l'ouragan Sandy, Mad Max Apocalypse. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.